Le guérisseur par Abel Herman. La santé du bon roi Nabusson se dérangea presque soudainement environ ce temps-là, et les symptômes de la royale maladie parurent d'abord si alarmants aux médecins de la cour qu'ils avertirent Zadig en douceur. Ils lui conseillèrent de prendre ses dispositions en vue d'un funeste accident. Ce qui inquiétait plus les savants officiels était que ces symptômes ne ressemblaient à aucun de ceux qui sont décrits dans les livres et enseigné depuis des siècles dans les écoles publiques aux étudiants en médecine. Un roi ne saurait en principe être malade de la même façon que le commun des hommes. Mais il semblait que Sa Hautesse abusa, si l'on ose s'exprimer ainsi, de ce redoutable privilège. L'originalité saisissante de son mal, outre qu'elle effrayait les docteurs, les gênait fort pour prescrire, avec une apparence de raison, des remèdes et un régime. Comme ils ne pouvaient toutefois se disforcer de soigner le roi ou d'en avoir l'air, puisqu'ils étaient payés pour cela, ils prescrivaient remèdes et régimes sans apparence de raison et au petit bonheur. Mais ils ne savaient plus qu'à mentir. Ils avaient examiné tour à tour les divers organes de Sa Hautesse, et le foie, les reins, le cœur, la rate leur avaient paru aussi sains que l'œil. Ils n'avaient pas craint de prélever quelques gouttes de son auguste sang, qui leur avait semblé aussi bon que celui des personnes les mieux portantes et qui, chose curieuse, était de la même couleur. Toutes les indications semblaient donc être favorables, et l'on ne sait à vrai dire ce qui leur suggérait des pronostics qui ne l'étaient point, car ils pronostiquaient sans diagnostiquer. C'est mauvais signe. Cependant, le roi languissait. On ne saurait user d'un autre terme, ni dire à proprement parler qu'il dépérit. Il avait pris au contraire un peu d'embonpoint, mais que les uns attribuent à la maturité de son âge, les autres à une mauvaise graisse. Il faisait plaisir à boire, il avait le teint fleuri. « Quelle bonne mine à notre roi !» disaient les observateurs superficiels. Les pessimistes leur répondaient « Prenez garde qu'il ne l'est trop bonne !» Ce qui levait tous les doutes, c'est que Nabusson se plaignait d'être malade. Qui pouvait le savoir mieux que lui? Son grand courage, le sentiment de ses devoirs, de sa majesté, le soin de la tenue, l'avaient longtemps fait taire à ses intimes, à Zadig lui-même, le souci indéfinissable qui le rongeait. Mais il n'en pouvait plus. Il n'avait plus la force de dissimuler. Lui, si gai jadis, il ne souriait plus que par un effort visible de politesse quand un de ses familiers faisait devant lui un bon mot. Il ne cachait pas son dégoût si ce bon mot n'était pas très bon, si ce n'était qu'un calembour ou un à peu près. Lorsqu'on l'approchait du divan où il demeurait paresseusement couché devant une table chargée des mets les plus appétissants, il disait d'un air boudeur « Je n'ai pas faim ». Puis il se mettait en colère, et il eût cassé toutes les vaisselles si elles n'eussent été vaisselles plates, d'argent, de vermeil ou d'or fin. Ou bien il pleurait comme un enfant, au grand désespoir de ses officiers que l'étiquette obligeait de faire comme lui, et de qui les yeux avaient depuis longtemps pleuré toutes leurs larmes. Tout d'un coup, il poussait des cris affreux. « Ah, que j'ai mal! Mieux vaudrait mourir !» On s'empressait autour de lui. Bien qu'il ne fût pas permis de le questionner, on lui demandait en quelle partie de son corps il souffrait plus spécialement. Il daignait répondre tantôt ici, tantôt là, quelquefois partout. Ses clameurs attiraient les médecins qui se tenaient en permanence dans une pièce voisine. Ses souffrances apaisaient comme par enchantement dès qu'il les voyait courir. Mais il ne leur imputait point le mérite de cet authentique miracle et ne leur en savait aucun gré. Il le reprochait au contraire avec aigreur de ne point faire assez diligence et d'arriver toujours à son chevet quand il n'était plus temps de le soulager. Un jour même, il se fâcha si fort contre un de ses pauvres praticiens qu'il avait peut-être fait attendre l'espace d'un éclair qu'il ordonna qu'on lui coupât le cou sur le champ et en sa présence. Hélas! Le spectacle de cette exécution si justifiée n'apporta pas le moindre réconfort à Sa Hautesse. L'une de ses maladies les plus caractérisées était la maladie du scrupule, et elle fut dès lors hantée par le souvenir de ce malheureux qu'elle avait fait mourir. Certes, elle ne se reprochait point d'avoir purgé la terre d'un médecin ignorant et peu zélé, mais elle se repentait de n'avoir pas procédé dans les formes et 20 fois le jour disait en sanglotant à Zadig « N'ai-je pas donné le mauvais exemple à tous les juges de mon royaume? Ah, monsieur, je suis un grand criminel !» Zadig le gourmandait autant qu'un premier ministre peut gourmander son maître sans risquer sa peau. Il lui remontrait que cette histoire n'avait aucune importance et qu'un roi ne saurait être un grand criminel que s'il néglige les intérêts de l'État pour des sottises. Là-dessus, il exposait à sa hautesse des affaires fort graves, fort intéressantes et fort ennuyeuses, dont l'avenir et l'existence même de Serendip pouvaient dépendre. Nabussan ne l'écoutait que d'une oreille et lui dit un jour « Monsieur, vous avez raison, le premier devoir d'un roi, qui ne peut s'occuper de toutes les affaires, est de discerner judicieusement celles qui ont de l'importance et celles qui n'en ont pas. Je n'en connais pas de plus importante pour un royaume que la santé du roi. Laissons donc toutes les autres questions, et les réparations et les inondations, de côté, tant que celle-ci n'aura pas été résolue. Si elle l'était dans le mauvais sens, vous m'accorderez que toutes les autres seraient tranchées du même coup, vu que Serendip ne saurait manquer d'être anéanti, en même temps que son prince disparaîtrait. Or, voilà, monsieur, voilà où nous allons sûrement, si je continue d'être soigné par mes médecins ordinaires. N'en est-il point d'autre dans tout mon empire? Cela est incroyable. Sire, repartit Zadig, je n'attendais qu'une indication du bon plaisir de votre hôtesse pour vous dire que j'en connais un autre qui vous guérira certainement. C'est même pourquoi vos médecins, qui le connaissent bien aussi, font l'impossible pour empêcher qu'il n'arrive jusqu'aux portes de votre hôtesse. Je ne pourrais vous l'amener que s'ils n'en savent et n'en soupçonnent rien. Il faut aussi que vous me promettiez que vous ne lui ferez pas couper la tête. « Je veux bien vous le promettre, » répondit le roi assez légèrement, « mais ne m'avez-vous pas dit vous-même que cela n'a aucune importance ?» Zadig, une heure plus tard, amena en grand secret le guérisseur, qui avait une bonne figure de médecin tant mieux. Ce brave homme, dès qu'il vit le roi face à face, se prosterna, et pour ne plus le voir, mit le visage contre terre. Puis il se releva, regarda tout alentour de lui comme s'il fût sorti d'un rêve et dit « Où donc est le malade? Je ne l'aperçois pas. C'est moi, » dit Nabussan. « Votre hôtesse veut rire, » dit le guérisseur. « Elle daigne vouloir rire. Jamais elle ne s'est aussi bien portée. Pour en juger elle-même, qu'elle daigne seulement se regarder au miroir. » Mais ce fut comme un fait exprès. Il ne se trouva point de miroir. « N'importe, » dit le guérisseur. « Il suffira que votre hôtesse daigne répéter après moi « Jamais je ne me suis mieux porté » et aussitôt elle se sentira beaucoup mieux. « Rien ne coûte d'essayer, » dit Nabussan. « Jamais je ne me suis mieux porté. » Il ne put se défendre d'ajouter l'instant d'après. Cela est étrange. « Il me semble que je vais positivement mieux, rien que pour l'avoir dit moi-même. Monsieur, vous m'inspirez confiance et je ferai fidèlement tout ce que vous croirez bon de me prescrire. » « Dites-moi votre ordonnance. »« Sire, » dit le guérisseur, « votre hôtesse n'a qu'à répéter chaque matin au réveil ce qu'elle vient de dire avec un si heureux succès. Quand elle se met au lit, qu'elle murmure « Ah, que je sommeille !» il dormira. Quand elle se met à table, qu'elle s'écrie « J'ai une faim de loup !» et elle mangera. Dans 5 ou 6 jours, elle ne pensera même plus à dire qu'elle a faim, qu'elle a sommeil ou qu'elle va mieux, et alors elle sera parfaitement guérie. Cette prédiction s'accomplit de point en point. Le 6e jour, le roi se sentit si bien qu'il voulut s'occuper avec Zadig des affaires de l'État. Le ministre lui amena un ingénieur qui, pour prévenir à tout jamais les inondations, annuel fléau de Serendip, avait imaginé un merveilleux système de lacs artificiels et de canaux. « Je vous fais mon compliment, monsieur, » dit Nabussan à l'ingénieur. « Tout cela est fort bien inventé, mais je sais, moi, un meilleur moyen de retenir les fleuves dans leur lit, c'est de répéter tous les matins les inondations. Qui parle d'inondations? Il n'y en a point. Peut-être en a-t-on signalé quelques-unes l'année dernière, ou même cette année-ci, mais il n'y en aura point l'année prochaine. Pourtant, sire, hasarda l'ingénieur, si les pluies continuent. Les pluies? Dit le roi. Quelles pluies? A-t-il jamais plu? Hier, jadis, peut-être. Il ne pleuvra pas demain. « Pleut-il aujourd'hui? Ouvrez la fenêtre, voyez, le soleil brille. Jamais il n'a fait si beau. » C'était Le Guérisseur par Abel Hermant.